Bienvenue dans cette nouvelle banger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur la zone de Radio Béton, les ondes de 93.6. On est ensemble dans une nouvelle émission en différé. C'est vrai que de base on avait annoncé une émission en direct pour ce soir. Malheureusement, pour des soucis logistiques, ça n'a pas pu se faire. En revanche, on se retrouvera bien en direct pour la dernière émission originale de l'année, dimanche prochain, le 17 décembre. En attendant, on vous rappelle bien évidemment la tenue du Winter Rip le week-end prochain à la salle Maria Callas de la Ville aux Dames. Voilà, plein de bons groupes, tous plus débiles les uns que les autres. On en a déjà longuement parlé, vous retrouvez toutes les infos sur les réseaux, c'est facile d'accès. Pour ce qui est de la musique de ce soir, quelques petites nouveautés venues de France et d'ailleurs. On aura du Embrace Your Punishment, on aura du Cruciamantum, du Varasron, du No Turning Back, parmi d'autres. Et la première doublette de ce soir, les vétérans new-yorkais de Suffocation, le groupe de Tech Death, Brutal Death, Proto Slam, qui sort un nouvel effort studio, le premier avec monsieur Ricky Myers au micro, qui prend donc officiellement totalement la relève de Frank Mullen. Ce nouvel effort studio de Suffocation s'intitule Hymns of the Apocrypha. Il est déjà dispo chez Nuclear Blast, on s'écoutera le morceau Embrace the Suffering. Year of the Knife, ensuite les jeunes loups du Delaware qui nous sortent un excellent nouvel effort studio. No Love Lost, bon, toutes les parties ont été enregistrées avant le terrible accident qu'a subi le groupe au mois de juin. On va s'écouter une doublette tout de suite, le titre Wish avec Devin Swank de Sanguisugabog, ainsi que le titre Last Loath avec Dylan Walker de Full of Hell. Voilà, un de plus. Bah ma foi, les présentations sont faites, bienvenue dans l'émission, et c'est parti! What? Petit tour en Europe pour la doublette à venir avec tout d'abord une nouveauté, les Grecs de Varasron, les vétérans du black metal Hélène. Et oui, ils sont contemporains des premiers efforts de Rotting Christ et Necromancia. Ils viennent de sortir là leur 7e effort studio en presque 35 ans d'existence. Un album qui bénéficie d'un artwork signé Paolo Girardi, ce qui colle en plus magnifiquement bien à la musique de Varasron au niveau de l'ambiance de ce nouvel album. Un black bien old school, occulte et extrêmement riche dans les finitions. Voilà, des mélodies et des arrangements qui sonnent très grecs dans l'approche. Hein. Voilà, il y a vraiment une scène à part entière en Grèce. Et donc, immanquablement, on ne peut que les rapprocher des plus grands du nom, à savoir les Rotting Christ. En doublette avec Varasron, on aura Gamma Bomb, le groupe de speed trash venu d'Irlande, actif depuis une vingtaine d'années. C'est toujours aussi efficace, bondissant et radical, c'est leur 8e album studio. C'est très très bien fichu et très bien pensé. Les compos vont de 2 à 5 minutes, c'est toujours aussi efficace ce que nous propose Gamma Bomb. Varasron, le morceau Immortalis Regnum Diaboli, extrait d'album The Crimson Temple, une sortie Agonia Records. Gamma Bomb, ensuite Speed Funerals, extrait de l'album Bats. Et c'est parti. Pour la suite, on continue de naviguer en Europe avec tout d'abord les originellement norvégiens de Cranium, le groupe de Slam Death qui nous sort un très très très bon nouvel effort studio, Scriptures of Vicennial Defilement. 5 ans depuis Slamkosis. Au passage, Cranium signe chez Unique Leader. Au passage, Cranium occupe de plus en plus la scène en Europe et hors Europe. Et c'est très plaisant de les voir monter comme ça en termes de notoriété. C'est un groupe qui est super efficace, aussi bien voilà sur scène que sur album. Preuve en est de cette nouvelle sortie studio. Et puis maintenant, le groupe est une formation européenne au sens large, puisque les mecs viennent d'un peu partout. Et avec Cranium, une autre nouveauté européenne après Varathrone, il s'agit de No Turning Back, les vétérans du hardcore hollandais. Ils nous sortent un nouvel EP, Conquer, ce qui leur permet au passage de signer sur le très très bon label américain Triple B Records. Peut-être un nouveau souffle dans la carrière musicale de No Turning Back. Hope for Tomorrow, c'est le titre qu'on va s'écouter pour No Turning Back. Massive Piles of Festering Remains, c'est le titre de Cranium que l'on s'écoutera donc en doublette, en ouverture de cette doublette. C'est parti. Toujours à l'écoute d'Elbanger dans l'émission de ce soir sur les ondes du 93.6. Et après deux doublettes avec une nouveauté, maintenant on passe à la doublette de nouveautés. Retour à la diff à échelle vraiment internationale avec tout d'abord Midnight Odyssey, cet intrigant one-man band de Black Atmo, Black Ambient, qui nous vient d'Australie. Un nouvel album vient de sortir, un album très ambitieux. C'est le cinquième album, alors... On va parler de cinquième album Metal Extrême, puisqu'il y a également trois albums plutôt ambiants qui ont vu le jour. 15 ans d'existence pour Midnight Odyssey. Voilà, le côté ambitieux de cet album, c'est que déjà il dépasse les 2 heures de musique. Le précédent faisait déjà 1h45. Personnellement, le précédent m'avait emmené comme pas possible. Les compos très généreuses, la plupart font autour et même dépassent les 10 minutes. Une recette assez riche, heureusement d'ailleurs, dans un Black Atmo assez épique, avec voilà, une richesse en termes d'inspiration. Ça va chercher dans le Doom, dans le Heavy Doom. Richesse vocale également, des passages extrêmes, des passages plutôt en chant clean, des gros chœurs qui viennent rehausser l'ensemble. Voilà. Malheureusement, l'album n'échappe pas à l'écueil du temps, où ça traîne un peu en longueur par moment. Et puis, bah, clairement, faut avoir 2 heures à consacrer à l'écoute de cet album. Franchement, si vous avez l'occasion, faites-le. Je l'ai fait en 2 fois 1 heure. Il est vraiment très très bon, mais ma préférence va quand même à celui sorti juste avant. Midnight Odyssey, ça fait clairement partie de ces groupes que l'on doit écouter au casque, en par exemple lisant un récit de Lovecraft, au hasard. Se mettre dans l'ambiance. Cruciamentum, voilà. Vient ensuite après Midnight Odyssey. On est sur du death anglo-américain, une sortie Profound Lore Records. Le groupe est actif depuis une quinzaine d'années. C'est le second album qui vient de sortir. 8 ans donc se sont écoulés avec le présent album, un mini-UP à le jour en 2017. Et surtout du changement au niveau du line-up. Nouveau vocaliste chez Cruciamentum. Un nouvel album qui fait une quarantaine de minutes. 6 compos qui font de 5 à 10 minutes. On est sur un death bien oppressant, bien malsain. Vieux death caverneux à la sauce Incantation, Grave. Avec des éléments blackening mais bien bien bien obscurs. Cruciamentum, ce nouvel effort studio, est une totale réussite. Qu'est-ce qu'on va s'écouter tout de suite? Midnight Odyssey, The Ghost of Endymion, extrait d'album Biolume Part 3, Full Moon Madness, Cruciamentum, Scorn Manifestation, extrait d'album Obsidian Reflections. Et tout ça, c'est déjà disponible. We'll be right back. Pour la doublette suivante, on est sur du terrain déjà connu, Receiver et Fortid. Receiver, un groupe qui nous vient de Chypre, on est sur du Heavy Epic, une sortie Gates of Hell, c'est le premier album studio. Voilà, c'est Epic, old school, du Heavy bien galopant à la sauce Vieux Maiden. C'est une femme qui tient le micro, un timbre assez expressif, et puis ma foi, Receiver, c'est plutôt efficace. Fortid, ensuite, du Viking Black qui nous vient d'Islande, actif depuis une vingtaine d'années. Ils viennent là de sortir leur 7e album, une cinquantaine de minutes d'un mélange toujours très intéressant sur la scène islandaise. Là, c'est pas 100% black metal, c'est du Viking Black. C'est épique, rugueux, avec des textes en islandais, ce qui rajoute vraiment à l'aspect immersif, avec une connotation musicale très scandinave, dans la veine d'un Tyrfing, Enerir, Vindir, voire même Moonsorrow pour les séquences les plus épiques. Au niveau de ce qu'on va s'écouter, Receiver, le morceau Arrow, extrait d'album Whispers of Lore, Fortid, Rotten Arthur, extrait d'album Narcissus, ce qui sonne d'ailleurs très grec, enfin bref.